Des amis en vérité, tu le sais, on en a peu. L'orgueil nous divise, font des embrouilles à franc deux. L'honnêteté, c'est la base, il faut la jouer franceux. Mettre de côté son égo, du moins faire de son mieux. Faire l'écoute de ses bouts, ne pas les décevoir. Prendre sur soi, même ça saoule certains soirs. L'amitié, c'est âge, des bons moments et des sales histoires. Des coups de chasse dans le dos et des hypocrites notoires. Heureusement, le temps fait son triste dans la merde que t'apprends. Qui sont tes vrais amis, je te parle pas des lobes ça qui accourent quand la chance te sourit. Mais les frères qui sont hâles, peu importe les soucis. J'en place une à mon équipe, car sans eux, c'est net, il y a longtemps que j'aurais lâché. Le bifec, trop de buts, mon blasé. Amitié, mon frelon, sache-le, c'est sacré. Tous on a besoin d'amis, des vrais qui lâchent un bif quand t'as besoin d'amis. Parce que tous on n'est rien sans ceux qui, pour nous, font du souci. Non, je parle pas des sensus. Tous on a besoin d'amis, des vrais qui lâchent un bif quand t'as besoin d'amis. Parce que tous on n'est rien sans ceux qui, pour nous, font du souci. Non, je parle pas des sensus. Je te parle d'amitié, ce n'est pas qu'à moitié. Moi je te parle de vrais gens, ceux avec qui on ne sera jamais concurrent. Pas besoin de se voir tout le temps pour s'apprécier vraiment et savoir ce que l'on est. On sait ce que l'on est depuis tant qu'on se connaît, depuis nos premières conneries et surtout celles qu'on racontait. Celles qui font qu'aujourd'hui on sait ce que l'on vaut et ce que l'on fait. On sait ce que l'amitié vaut. Un vrai ami, c'est pas celui qui veut serrer ta go, mais celui qui risquerait sa peau pour sauver ta peau. Celui qui t'appelle mon srab, ma couille, mon poteau. Demande à Barbara des Pierrot, M.O.R. et Joko. L'association Midget. Ce que la place décidée à rassembler. Vous êtes nombreux, je sais que vous vous reconnaîtrez. À tous ceux qui m'ont vu en chier et qui m'ont vu me relever. C'était de la part d'un mec sur lequel vous pouvez compter. On a besoin d'amis, des vrais qui lâchent un bif quand t'as besoin d'amis. Parce que tous on n'est rien sans ceux qui, pour nous, font du souci. Non, je parle pas des sensus. Tous on a besoin d'amis, des vrais qui lâchent un bif quand t'as besoin d'amis. Parce que tous on n'est rien sans ceux qui, pour nous, font du souci. Non, je parle pas des sensus. Faire tourner sa connexion, faire croquer son promis. Beaucoup de remises en question et pas mal de compromis. Et ce sans compromission, avec le temps ça s'est confirmé. Laisse le temps au temps pour voir l'amitié s'affirmer. Chacun dans son monde, ça parfois c'est pas gérable. On en prend tous pour son grade, on dit des trucs pas agréables. L'amitié pour moi, c'est se tirer vers le haut. Être le gardien de son frère, si l'un de nous fait le chamallow. Ça nique toute la fourmilière, c'est comme un serment. Respecter ses engagements. T'inquiète pas, Brad, j'serai Alba, réclaré pour l'enregistrement. Même si j'ai pris une cuite de barrette tarée, je l'ai promis, j'serai Al pour mon déménagement. J'espère que vous le savez depuis le temps. Je vous ferai jamais de trucs bizarres. Je m'appelle pas Superman, mais s'il y a une galère, y'a pas de lézard. Je suis Al. Je m'appelle pas Superman, mais s'il y a une galère, y'a pas de lézard. Je suis Al. Tous on a besoin d'amis, des vrais qui lâchent un bif quand t'as besoin d'amis. Parce que tous on est rien sans ceux qui, pour nous, font du souci. Non, je parle pas des sensus. Tous on a besoin d'amis, des vrais qui lâchent un bif quand t'as besoin d'amis. Parce que tous on est rien sans ceux qui, pour nous, font du souci. Non, je parle pas des sensus. J'ai appris à mes dépens, ce que l'amitié répand. Et quand un frère appelle à l'aide, c'est pas par pitié que je réponds. Les bons apportent un soutien, les bons l'attisent et les bêtes. J'ai appris à passer les bons, je relativise et les faits. Les gentils et les bêtes, le kiff, le bise et la fête. Moi c'est le rap et je n'en fais jamais acquis à ma tête. Avec mes potes on n'a pas traîné, mais check qu'on a créé. On est là pour s'entraînissant, traînissant. Penser aux intérêts, c'est naturel de nous penser aux enterrés. Car quand l'amitié est pure, elle pousse à faire des efforts pour pas partir en purée. Nous on s'efforce à faire en sorte qu'elle puisse durer. Être un poteau si donnissant, penser recevoir, apporter le maximum et ne jamais décevoir. Au point t'es à la rue, je saurais te recevoir. Seule la mort ou la calèche peut nous empêcher de se voir. Tous on a besoin d'amis, des vrais qui lâchent un bif quand t'as besoin d'amis. Parce que tous on n'est rien sans ceux qui, pour nous, font du souci. Non, je parle pas des sensus. Tous on a besoin d'amis, des vrais qui lâchent un bif quand t'as besoin d'amis. Parce que tous on n'est rien sans ceux qui, pour nous, font du souci. Non, je parle pas des sensus. On a besoin d'amis, des vrais qui lâchent un bif quand t'as besoin d'amis. Parce que tous on n'est rien sans ceux qui, pour nous, font du souci. Non, je parle pas des sensus. Tous on a besoin d'amis, des vrais qui lâchent un bif quand t'as besoin d'amis. Parce que tous on n'est rien sans ceux qui, pour nous, font du souci. Non, je parle pas des sensus.